on va commencer donc par le travail de Guillaume, du hardware au dataware. Alors Guillaume a sorti un ouvrage que tu peux peut-être présenter rapidement, hein, sur les sciences, et donc c'est critique du monde scientifique et de ce qu'il nous apporte, ou de la manière dont on peut vivre, et de ce qu'il est en soi aussi. Je veux bien en dire quelques mots. Tout d'abord, merci de me proposer de présenter ce travail. Peut-être que je ne vais pas être trop long, parce que c'est le risque, hein, de partir sur quelques mots sur un autre bouquin que je viens de sortir. Voilà, je peux me laisser un peu emballer, mais pour le dire très vite, c'est une tentative d'historiciser le terme de science, où on a toujours tendance à imaginer que ça a toujours existé, ce que nous on appelle science. Les Grecs anciens auraient déjà fait de la science, ce genre de choses, et de montrer que le sens très contemporain du terme de science, en gros, une connaissance mathématisée, expérimentale, de laboratoire, rationnelle, etc., c'est quelque chose qui date précisément des débuts de l'industrialisation, et que ce n'est absolument pas un hasard si il y a cette coïncidence, hein. Pour des raisons politiques, économiques et industrielles, il y a besoin du concours de l'activité qu'on appelle science à partir de ce moment-là. Voilà, c'est une tentative très très brève pour résumer la chose. Je pense que c'est pas du tout convaincant de le dire comme ça, mais voilà, ou alors je fais une autre intervention. Mais... Non, c'est bien aussi, je t'assure. Est-ce qu'on peut adapter ce que vous appelez les industrialisations ? Alors ça, c'est des débats infinis. Le concept même de révolution industrielle a été battu en brèche par une historiographie très récente, et à raison, qui défend, c'est à partir d'historiens de l'économie qui disent beaucoup que on a d'abord des segmentations opératoires avant que s'opère la mécanisation. Et donc là, à mon avis, bon, une façon très simple de le résoudre, c'est de dire qu'il y a un gradient qui, voilà, en gros, depuis 18e jusqu'au 19e, participe d'un mouvement vers l'industrialisation, et que dans ce cadre, il y a un moment assez, non pas précis, mais en tout cas assez fort, où on ne peut plus produire les chaînes industrielles à partir de bricolage, comme ça a été le cas vraiment assez largement au début de l'industrialisation, et on a besoin d'un savoir scientifique rationnel, tout simplement parce que les artisans qui produisent jusqu'alors, eh bien, qui sont des gens qui sont très forts dans leurs ateliers et avec leurs outils personnels, mais qui ne sont pas en mesure d'élargir en fait leur univers de production. Donc si quelqu'un fait une excellente bière dans son atelier à Brest, à Strasbourg, je ne sais où, on ne peut pas produire à partir de ça précisément un marché national puis international. Donc on a besoin de formulations scientifiques pour rendre en quelque sorte universel, mais ce qui veut aussi dire déposséder les artisans de leur savoir-faire, ces productions. Donc voilà, il me semble que c'est pour ça aussi que la science à un moment donné émerge comme quelque chose d'absolument central, hein. Et là, on retrouve tout le monde. Hein. J'avais pas le sentiment on peut toujours trouver des exceptions, mais en gros, de Louis Pasteur à Jean-Baptiste Dumas, en passant par tous les personnages importants de l'activité scientifique au XIXe siècle, tout le monde, de près ou de loin, a partie liée à l'industrialisation. Et c'est précisément, pas un hasard à mon avis, le fait que c'est à ce moment-là où on se met à parler de science pure. Ce qui, en fait, est une revendication d'autonomie politique pour les scientifiques et pas du tout d'autonomie économique. Ils disent « laissez-nous faire de la science pure », ça veut dire « les industriels feront beaucoup de bénéfices à partir de nos travaux si on nous laisse travailler sur ce qu'on veut ». Enfin bref, je peux à nouveau développer d'autres choses si vous voulez, mais c'est peut-être pas le but initial, je sais pas. Donc si je commence, donc une demi-heure, il est 20, donc en même temps j'ai déjà parlé quelques minutes, je vais essayer de durer jusqu'à au plus tard moins 10. Ce que je vais faire, c'est, si beaucoup de gens ont travaillé sérieusement et ont lu l'article que j'avais tenté de faire pour la revue Illusio, ça va être un ensemble de redites. Après, je pense que ça peut être intéressant de discuter de ces questions-là, parce que pour moi, c'est pas un travail définitivement arrêté, hein. Je suis même toujours sur le très contemporain, je vais présenter ça à un séminaire que Rémi notamment avait organisé, sur la question des data centers et du big data. Donc, je suis toujours en train de travailler là-dessus, une tentative d'ethnographie des data centers pour comprendre ce que c'est aujourd'hui que cet univers des données. Et donc là, ce que je vais vous proposer, hein, c'est plutôt un parcours historiographique avec un peu de sources de première main, mais c'est principalement des sources secondaires, la bibliographie en gros, hein, qui permettent à mon sens de retracer la généalogie de ce qu'on appelle le big data aujourd'hui. Alors je vais faire ça en quatre temps, et là je reprends une formulation notamment de Christian Fauré, qui a pu dire d'autres choses avec lesquelles je ne suis pas forcément d'accord, mais en tout cas je trouve ça tout à fait intéressant, cette formulation qu'il a de parler de quatre phases, hardware, software, netware, dataware. On peut d'ailleurs revenir sur l'étymologie du suffixe ware, qui même jusqu'en indo-européen probablement, on trouve ça dans beaucoup de langues, hein, scandinaves et autres langues nordiques, waru, ware, qui renvoie à l'idée de prendre soin de quelque chose. un objet de consommation, c'est initialement un objet dont on est censé prendre soin. On pourra poser la question de savoir jusqu'où est-ce que, dans cette histoire de hardware, software, network, dataware, eh bien, il est question de soins ou au contraire de destruction d'un univers préexistant. Bien, donc quelques mots d'introduction. Déjà, je vous prie de m'excuser de ne pas avoir été là ce matin, mais voilà, pour l'anecdote, j'ai eu la chance d'avoir été élu à un poste de maître de conf à l'Université de Technologie à Compiègne, et ce qui fait qu'en cadeau de bienvenue, j'ai 304 UTP au premier semestre, donc voilà, ce qui fait que c'est un peu délicat. Voilà, c'est un peu l'idée, c'est, et puis tant qu'on est stagiaire, enfin bref, tout le monde connaît la musique. Mais donc voilà, ce qui fait que c'est un peu compliqué en ce moment, mais voilà, je suis quand même heureux, très heureux de pouvoir être ici cet après-midi, au moins jusqu'à la fin des débats, jusqu'à 19h, 19h30, je ne sais plus ce qui est prévu, mais voilà, je pourrais être là cet après-midi. Alors, ce que je vais vous présenter, c'est un questionnement qui à la fois est issu de mon parcours personnel, puisque avant d'être historien des sciences et des techniques, j'étais ingénieur informaticien, défroqué on pourrait dire, hein. J'ai travaillé pendant 6 ans en entreprise, même si d'emblée je savais que ce n'était pas forcément ce qui me passionnait, ça a néanmoins informé un certain nombre de questions que j'ai eu l'occasion de me poser. Et par ailleurs, dans mon travail de thèse qui a donné le bouquin dont on vient de parler très brièvement là, sur la question de la science au XIXe siècle, il m'a été donné de voir un certain nombre d'éléments qui me semblaient aller dans le sens de ce que je vais essayer de présenter aujourd'hui sur l'informatique, et donc qui m'apparaît comme étant un phénomène assez général de l'industrialisation, la question de la commensurabilité comme permettant la mise en marchandise. Un exemple banal du 19e siècle, hein, par exemple, le chimiste rouennais Descroisilles invente en 1806 le concept de force de la soude, alors que jusqu'alors on pouvait produire de la soude dans des ateliers artisanaux selon des secrets de métier transmis de maître à apprenti, etc. Et il propose son concept de force de la soude qui lui permet de faire la chose suivante, qui lui permet tout simplement de mettre en équivalence les différentes soudes produites sur l'ensemble du territoire national. Et évidemment, comme par hasard, c'est précisément à cette période, hein, en pleine guerre napoléonienne, que l'on voit se déployer un marché national de la soude, en raison notamment des embargos au niveau précisément des opposants à l'empire napoléonien. Donc là, on voit bien que produire des moyens de quantifier un phénomène quelconque, ici la soude, aujourd'hui on ne parle plus en tant que tel de force de la soude, on peut mobiliser le pH ou d'autres choses, mais l'un de ses premiers avatars hein, de quantification, c'est ce que Descroisilles appelle force de la soude. Ici, on voit bien que c'est un moyen, rendre commensurable des choses qui ne l'étaient pas jusqu'alors, une soude produite à Brest et une autre à Lille et une autre à Toulouse ou je ne sais quoi, eh bien, les rendre commensurables, ça donne la possibilité de constituer un marché en tant que tel. Bon, j'avais eu l'occasion de voir le même genre de choses avec Pasteur sur la bière, où il mesure l'alcoolémie, la teneur en micro-organismes, etc. Avec cette idée qui me semble assez récurrente, hein, pouvoir produire des moyens techniques et conceptuels pour quantifier, pour rendre commensurable, c'est-à-dire pour comparer numériquement des choses, ça me semble être au cœur de l'industrialisation depuis les débuts du 19e siècle. Donc ce que je voudrais présenter ici, c'est une histoire en quatre temps de cette mise en commensurabilité depuis le hardware jusqu'au dataware contemporain. Alors, quatre temps, à chaque fois je vais en profiter pour expliquer, puisque tout le monde n'est pas forcément au fait du détail de technique de chacune de ces phases. Donc je vais essayer d'expliquer à chaque fois ces deux éléments. Hein. Un mouvement historique avec un certain nombre de mécanismes techniques, même si je serai assez bref à chaque fois. Donc, premier temps, de la mécanographie au premier mainframe d'IBM. Et ici, je voudrais revenir sur ce qu'on a appelé historiquement des tabulatrices. Puisque ce qu'on appelle les premiers calculateurs, hein, ils n'apparaissent pas ex nihilo, mais ils s'insèrent en réalité directement dans une tradition mécanographique. Et ici, c'est l'histoire d'IBM hein, qui est absolument centrale dans cette affaire. Que l'on peut au moins faire remonter à un ingénieur américain, Herman Hollerith, né en 1860, mort en 1929, qui est très tôt ingénieur au US Census Bureau. Et en fait, il est confronté à un problème très simple. Hein, on est dans une phase d'accroissement démographique importante. Donc, pour des besoins de planification urbaine, de contrôle des territoires, de planification industrielle aussi, eh bien, l'État américain veut savoir, enfin l'État états-unien veut savoir, le gouvernement états-unien veut savoir comment la population évolue. Et donc, on fait des recensements, très trivialement, de quoi s'agit-il. Eh bien, il y a des gens, ils vont frapper à la porte des foyers en disant « Bonjour, il y a combien de gens qui vivent ici ?» Ils notent, etc. Et puis ensuite, tout ça s'est rassemblé, on agrège les résultats et on dit « Eh ben, dans telle ville, à tel moment, il y a tant de personnes. » Le souci, c'est qu'on a une tellement un tel moment d'explosion démographique que, en gros, il faut une dizaine d'années pour traiter les résultats d'un recensement. Or, si on va voir une politique relativement cohérente du point de vue de l'urbanisme et de la planification industrielle, bah voilà, s'il faut 10 ans pour avoir les résultats sur une année, la situation a tellement changé que ça fonctionne mal. Et donc Olrit se pose très tôt la question de savoir comment faire pour accélérer le processus de traitement de ces recensements de population. Donc il va poser des brevets en 1884 et 87 pour une machine à statistiques qu'il va appeler tabulator, hein, donc une tabulatrice, puis une machine à cartes perforées. C'est très simple en fait. Les cartes, il y a tout un travail en amont qui doit être fait pour perforer en fonction des résultats. Alors s'il y a 2 femmes, 3 hommes, 4 enfants, je ne sais pas quoi, dans tel foyer, eh bien on va cocher sur la carte les positions en question. Ensuite, toutes les cartes peuvent être mises ensemble. Elles sont données à manger, en fait à lire, hein, à une machine. Et la machine, c'est relativement simple son fonctionnement. On a un grand tableau avec plein de cadrans et chacun de ces cadrans correspond en fait à l'un des espaces sur la carte. Donc si la carte, c'est 4 lignes par 10 colonnes, eh ben on aura une tabulatrice avec un tableau où on a 4 cadrans en ligne et 10 cadrans en colonne, et on a donc les mêmes 40. On met les cartes à manger et ça compte automatiquement. On voit les aiguilles qui avancent sur chacun des cadrans en fonction du nombre de trous des cartes qui ont été donnés à manger à la machine. Donc, c'est quelque chose qui fonctionne assez bien, modulo déjà quand même la mise en place d'infrastructures industrielles assez conséquentes, hein, puisque en fait on gagne du temps sur le comptage, la comptabilité de ces cartes, mais par contre en amont, on a une étape en plus qui est un atelier de perforatrices, hein, parce que ce sont quasi uniquement des femmes en raison des très bas salaires qu'on peut leur octroyer, qui sont employées dans cette industrie, qui passent leur temps donc à partir des résultats du recensement à perforer telle ou telle carte pour en effet obtenir les données qui sont directement intégrables dans la machine. Donc en fait, du point de vue technique, on pourrait dire conceptuellement, c'est vraiment très simple, hein. C'est simplement des machines à compter qui additionnent le nombre de trous qu'on a sur telle position, sur telle carte. Alors évidemment, le souci qui va apparaître très tôt, c'est comment peut-on accroître la complexité des opérations qui sont réalisées, puisque des fois, on se dit, bah oui, c'est intéressant de compter, mais on peut avoir besoin de soustraire. Je ne sais pas, par exemple, telle catégorie, on veut savoir combien d'hommes qui sont des enfants à partir du nombre d'enfants et du nombre d'hommes. Ce genre de choses. Donc on va vouloir intégrer d'autres opérations. Le problème, c'est que ces machines mécanographiques, c'est ce qu'on dirait aujourd'hui, c'est codé en dur, mais en extrêmement dur. C'est-à-dire que ce sont vraiment des engrenages, hein, qui permettent de déterminer les opérations qui vont être réalisées. Au début, on n'a que du comptage, c'est-à-dire de l'addition, et petit à petit, quand on va vouloir mettre en place d'autres opérations, bah, de quoi va-t-il s'agir, hein ? On va produire physiquement d'autres mécanismes, d'autres engrenages qui permettent de faire des multiplications, des soustractions, ce genre de choses. À partir des années 1920, on tente de complexifier en ajoutant un élément électrique, c'est-à-dire qu'on va avoir des fiches sur le côté, dans lesquels on peut brancher un peu comme la commutation téléphonique, hein, vous avez sans doute ces images d'Épinal en tête, c'est la même chose, on branche des fiches et comme ça permet de spécifier l'opération qu'on veut réaliser, soustraire telle case par telle autre ou ce genre de choses, et avoir le résultat sur tel élément. Alors parallèlement à cette complexification mécanographique, en 1896, hein, la Tabulating Machine Company va être fondée. Elle va fusionner en 1911 avec d'autres entreprises pour former la CTR, la Computing Tabulating Recording Company à New York, de 1300 employés. En 1914, on a Thomas Watson qui recrutait la direction, un personnage assez important comme on va le voir très vite. Et en 1924, et c'est là qu'on rejoint l'histoire assez connue, hein, cette CTR est renommée International Business Machine Corporation, la fameuse IBM. Alors IBM va diversifier autant que possible ses activités, qui vont toujours rester assez largement centrées dans la question du traitement organisationnel, et IBM va réussir à vendre, hein, des ateliers de mécanographie sur à peu près tous les continents, sous la supervision de son président Thomas Watson. L'un des principaux clients d'IBM, pour des raisons assez aisées à comprendre, ce sont les banques, hein, qui, pour gérer les comptes clients, ont une très grande utilité de ces fameuses cartes perforées. Je n'ai pas l'occasion de vous montrer les images, mais on peut imaginer des scènes, hein, où on a des pièces gigantesques avec des rails sur le sol. Les secrétaires ont des sièges à roulettes qui sont sur ces rails. Elles peuvent comme ça se balader de rayon en rayon, où on a des armoires entières remplies de fiches perforées. Et donc, si la direction dit « nous voulons le compte de monsieur machin ou de madame truc ou de je sais pas quoi », enfin plutôt de monsieur machin à l'époque, puisque les femmes n'ont pas forcément le droit d'avoir un compte en leur nom propre. Mais donc, ici, il y a la possibilité que ces secrétaires se déplacent, qu'elles récupèrent les cartes, ensuite elles les donnent, et ça, c'est traité dans les ateliers de mécanographie. Alors, un élément qui va aussi donner un peu de peps du point de vue du développement économique, c'est ce qui va se passer en Allemagne à partir des années 30, une histoire que Edwin Black a très largement détaillée, hein, à partir de plus d'une vingtaine de milliers d'archives, enfin de pages d'archives sur une cinquantaine de sources qu'il a vraiment rassemblées assez massivement, qui est l'épisode de la Deomag, qui est la filiale allemande d'IBM, la Deutsche Ulrich-Maschinengesellschaft, hein, qui se révèle l'une des plus rentables des filières d'IBM à l'époque, pour une raison très simple, c'est que IBM peut fournir au Troisième Reich une solution technologique pour l'identification massive des populations. Évidemment, population juive, communiste, homosexuelle, etc. Je n'ai pas la publicité de la Deomag à vous montrer, mais la traduction du slogan allemand, hein, c'est « Conserver un œil sur tout grâce aux cartes perforées Ulrich ». Et on voit un bâtiment industriel qui représente à la fois la tabulatrice, en même temps qui a la forme, vous voyez, avec ses toits en chêne en zigzag, qui a la forme d'un bâtiment industriel. On ne sait pas si ce sont des fenêtres sur ce bâtiment ou des petits trous de la carte perforée. Et ce bâtiment, il y a une sorte d'œil qui irrigue une grande lumière, hein, qui dit vraiment cette idée, grâce à la Deomag, tout le monde peut tout voir. Donc, la mécanographie va être ici absolument centrale dans l'investissement d'IBM en Allemagne, et assez tôt, hein, d'ailleurs, le logo d'IBM va être enlevé, puisque l'intérêt pour le Troisième Reich, c'est de conserver la fiction d'une entreprise 100% allemande. Vous avez sans doute déjà vu ces images où on voit les tatouages des rescapés des camps de concentration, où ils ont généralement 6 numéros tatoués sur le bras. En fait, c'est le numéro d'identification dans le système Ulrich. Hein. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a 3 digits, c'est-à-dire 3 chiffres qui vont de 0 à 9, qui identifient chacun des camps. Donc Dachau, c'était 001, Buchenwald, 002, etc., etc. Vous avez ensuite 6 digits pour l'identification individuelle, et donc ça veut dire qu'ils avaient prévu, si vous faites la multiplication, 6 fois 10, 3, voilà, 19, c'est-à-dire 1 milliard de détenus possibles dans l'ensemble des camps de concentration avec leurs 9 digits. Watson sera décoré de la plus haute distinction que Hitler ait jamais donnée à un non-allemand. Bon, au moment de la défaite nazie, il la renverra, hein, évidemment, en disant qu'il n'en veut pas. Mais je pense que ce serait une lecture assez pauvre. Il y a eu beaucoup de débats pour dire est-ce que IBM était nazi ou ce genre de choses. Et il me semble que ce n'est pas forcément la problématique la plus passionnante, puisque exactement au même moment, IBM vend un grand nombre de machines aux Alliés pour organiser précisément la lutte aussi contre l'Allemagne. Hein. Donc ici, l'un des épisodes un petit peu connus, c'est l'équipe qui s'organise autour de Francis Blackett, qui est resté dans l'histoire des sciences sous le nom de Blackett Circus, parce que c'est vraiment un lieu où il y avait une sorte une très forte émulation intellectuelle, et qui va être l'un des moments où on va produire les prémices de ce qui va vraiment s'appeler l'algorithmique par la suite. De quoi s'agit-il? Francis Blackett et son équipe ont une problématique qui est la suivante. Il y a la guerre contre notamment la marine, et plutôt les sous-marins allemands en Atlantique, et il y a beaucoup de convois américains de ravitaillement ou de troupes qui se font couler, et donc il faut essayer de trouver les meilleures méthodes pour obtenir cette domination maritime. Et donc la contribution de Francis Blackett et de son équipe va consister à poser les bases de ce qu'on appelle aujourd'hui l'optimisation combinatoire, ou tout simplement la recherche opérationnelle. C'est très simple, hein, aujourd'hui on connaît ça, il suffit de penser, je sais pas, à la façon dont fonctionne un aéroport. On se doute bien qu'aujourd'hui, par rapport à un pool d'avions donnés, un grand nombre de pilotes qui ont chacun des horaires en fonction des destinations, etc., et de là où ils doivent se retrouver à la fin de leur service, des destinations elles-mêmes qui doivent être desservies. On se doute bien que c'est pas quelqu'un tout seul dans son bureau qui dit « bon, alors ce sera Georges Machin le lundi qui va prendre l'avion truc et qui va aller jusqu'à tel endroit ». On sait évidemment que ça ne peut pas fonctionner comme ça. On a des algorithmes très puissants qui font précisément ce qu'on appelle de l'optimisation combinatoire, qui permettent de faire matcher le pool d'avions avec le pool de pilotes, avec les destinations qui doivent être desservies. Et donc c'est cette histoire-là, hein, qui commence avec Francis Blackett, où ce que va faire Blackett à partir, enfin, et son équipe, à partir d'éléments statistiques, ils vont tenter de voir les caractéristiques statistiques les plus saillantes des convois qui réussissent à traverser, hein, qui ne sont pas attaqués ou qui obtiennent la victoire, qui détectent les sous-marins allemands avant qu'ils ne puissent être coulés. Et donc, à partir de ce traitement statistique, ils vont proposer une suite d'opérations qu'on appelle algorithme, en disant, eh bien, on regarde la taille du convoi que l'on veut faire, si elle est supérieure à tant, alors allons à telle étape, et regardons dans ce cas-là combien de navires d'escorte il faut, si on a tant de fuel disponible, etc. Toute une suite d'étapes qui ensuite sont données à manger à ces fameuses tabulatrices, hein, pour être en mesure de produire l'optimisation de l'organisation des convois transatlantiques. C'est au même moment, hein, pour le projet Manhattan, que c'est Pap Ndiaye qui avait très bien montré ça pour l'activité des ingénieurs dans la production du projet Manhattan, de la bombe atomique, hein, que quelqu'un comme von Neumann va avoir assez tôt l'intuition du fait qu'il va falloir accélérer la production, augmenter, améliorer la production de calculateurs performants pour résoudre, en effet, les calculs extrêmement complexes qui sont nécessités, hein, par la production de cette bombe atomique et par les expérimentations qui vont avec. Donc tout ça va dans un sens qui est celui de poser la question de comment réussir à précisément commander, hein, implémenter les calculs que l'on veut faire réaliser aux tabulatrices sans avoir à chaque fois à produire une nouvelle machine. Parce que vous comprenez que c'est extrêmement contraignant, hein, c'était d'ailleurs le cas, et c'est ce qui permet à Edwin Black de dire qu'il y a eu une collaboration très forte entre IBM et le Troisième Reich, c'est qu'une tabulatrice est produite pour une suite d'opérations données. Même s'il y a une certaine forme, une tentative de généricité, hein, une tabulatrice est produite pour une suite d'opérations, et donc on a par exemple des machines à additionner, à multiplier ou ce genre de choses. Et si on veut produire une nouvelle opération, il faut une nouvelle machine, des nouveaux ingénieurs qui vont être formés à cette machine. Et donc, évidemment, se pose très tôt la question de savoir comment universaliser la possibilité de rendre opératoire, hein, ce que l'on veut faire de ces machines. D'où le fait, à mon sens, ça n'est pas un hasard, que IBM lance le disque dur externe, enfin le disque dur, le hard drive disk, en 1957, en même temps que son langage qui est le Fortran, qui est vraiment l'une des premières tentatives d'avoir un langage générique, justement, pour opérer ces machines. On n'est plus, à partir de là, dans une dimension qui est ad hoc pour chaque machine, mais on produit un langage où on espère pouvoir rendre opératoires les machines, quelle que soit, en effet, la machine en question. Alors avant de revenir sur cette transformation, quelques derniers mots, hein. Donc les mainframes qu'IBM vend entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et les années 60, ces mainframes sont vendus avec des programmeurs, hein, qui, en fait, on a besoin de vendre des individus avec les machines, alors vendre dans toute proportion gardée, mais pour que ce soit donc les gens qui connaissent le langage ad hoc spécifique de la machine. Autre élément, à mon avis, à mentionner aussi, hein, typique de cette histoire industrielle, ce que certains, en histoire de l'économie ou même des techniques, on appelle la dépendance du sentier ou la path dependency, hein, le fait qu'on a des formes d'inertie très fortes dans ces systèmes techniques de grande taille qui font que même quand on a une solution technique qui pourrait s'émanciper de tel ou tel élément, et bien précisément, en raison des infrastructures existantes, on va maintenir une solution. Donc là, l'exemple typique, c'est qu'au moment où se développe le disque dur, hein, on n'a plus besoin d'avoir en tant que tel des cartes perforées, mais puisqu'on a des infrastructures industrielles extrêmement vastes qui ont déjà été développées, des ateliers entiers avec des gens qui travaillent pour perforer ces cartes et produire tout ce qui est nécessaire pour justement les calculs par la suite, eh bien, il faut vraiment près de 20 ans pour qu'on voit apparaître les premiers périphériques d'entrée-sortie qui permettent de lire sans en passer par des cartes perforées. Pendant très longtemps, donc l'informatique, même si il aurait pu s'émanciper de ces cartes perforées, va maintenir leur utilisation. À mon sens, ici, on est typiquement dans une forme de dépendance du sentier pour que tous ces ateliers puissent être maintenus. Donc si, bref conclusion, oulala, il me reste 10 minutes, c'est une catastrophe. Bref conclusion sur ce premier temps. Cette première phase, la phase du hardware, hein, vraiment ici hard au sens de ce que l'on ne peut pas bouger, ce qui est matériel dans ces machines, c'est qu'on produit des calculs qui vont opérer sur des informations et produire des résultats sous forme d'état organisationnel. Donc ici, qu'est-ce que l'on tente de faire? On tente de substituer à une part du travail humain d'organisation, eh bien, en effet, les calculs réalisés par ces machines. Donc s'il y avait un mot à retenir à mon sens, hein, c'est qu'ici, pendant cette première phase de hardware, eh bien, on cherche à rendre commensurables des informations en vue d'automatiser les organisations humaines, d'ailleurs humaines pas seulement, aussi matérielles et techniques, comme on l'a vu avec les convois. Deuxième temps, software et automatisation, ici à mon sens, des savoir-faire. Comme on l'a vu, hein, les résultats organisationnels sont initialement transmis à des opérateurs. Exemple typique de l'époque, le projet SAGE, Semi-Automated Ground Environment, qui est un projet absolument entre 5 et 12 milliards, hein, estimé par les historiens aujourd'hui, qui vise à se prémunir des frappes nucléaires russes sur le territoire américain. Donc de quoi il s'agit? C'est des bâtiments aveugles avec des murs de béton de 2 mètres d'épaisseur, 8000 mètres carrés. On a 2000 mètres carrés pour la centrale électrique, deux fois des ordinateurs en tandem. Aujourd'hui, Google, c'est 2 millions de serveurs. Là, à l'époque, on a deux deux ordinateurs, au cas où il y en a un qui tombe en rade. Chaque ordinateur, c'est 58 000 tubes à vide. Je crois que c'est 800 tonnes, chaque ordinateur. Bref, et qui travaille dans ces lieux-là, ce sont des espèces de pingouins, hein, avec des casques, qui ont des pistolets, comme on voit dans ces vieux films d'espionnage ou de sous-marins. Et sur un écran, on a le balayage avec les bip-bip qui apparaissent, qui sont les avions non identifiés, qui sont censés être précisément... pour lesquels les opérateurs doivent lancer les opérations et les réponses, donc normalement les abattre, hein, ils ont leur pistolet et ils pointent en disant « non identifié, lancer telle opération, telle chose, etc. » Donc là, ce qu'on voit, c'est que dans cette première phase où va apparaître le software, on est encore dans une situation où on a des informations en vue d'optimiser l'organisation qui sont envoyées, mais par contre, ce sont encore les humains qui déclenchent en tant que tels les opérations derrière. C'est le type en costard avec son casque, son micro et son petit pistolet qui pointe en disant « lancer l'interception de cet avion ». Ce qui va se passer, alors je passe évidemment aussi, parce que ce n'est pas du tout possible de le faire dans ce temps-là, mais on a en même temps développement au passage des lampes au transistor, notamment pour des questions militaires, développement des écrans, etc. Ici, ce qui se joue, c'est qu'on s'aperçoit qu'à partir du moment où on est en mesure de transmettre assez automatiquement un certain nombre d'informations qui ont une importance organisationnelle très forte, eh bien, il y a une forme de tendance, hein, d'envie, qui pousse à dire, eh bien, pourquoi ne pas automatiser les étapes ultérieures et désormais, non pas seulement automatiser la récolte d'informations en vue de savoir comment organiser, mais même le lancement des opérations. C'est-à-dire qu'on ne va plus seulement avoir ces types avec leurs pistolets qui vont pointer sur l'écran, mais les données seront récupérées et on va vouloir directement pouvoir lancer les réponses du côté des machines qui doivent en effet être capables de développer les réponses adéquates. Donc c'est l'époque où on voit se développer, d'ailleurs dans l'industrie aussi, hein, ce qu'on appelle les machines à commande numérique, qu'on trouve très souvent sous le terme de commande numérique. Hein. Ici c'est David Noble qui en a fait une assez belle histoire, qui montre assez bien comment socialement on a radicalement l'univers industriel, et y compris dans le rapport capital-travail, hein, un pas supplémentaire qui s'opère, où désormais eh bien, une grande partie des savoir-faire des ouvriers et ouvrières sont engrammés dans les machines. Alors de quoi s'agit-il ? Aujourd'hui, on a plus de 50 constructeurs de machines à commande numérique au niveau mondial. Le premier boom, c'est dans les années 50-80. Donc au départ, on a un ruban perforé qui permet de donner la suite d'opérations que la machine doit suivre. Après, on utilise des bandes magnétiques. Et puis, entre 1970 et 85, on arrive directement à des transmissions par ordinateur. Donc ce sont quoi ces machines, hein, alaiseuses, fraiseuses, perceuses, tout ce que vous voulez. Petit à petit, d'ailleurs, ces machines elles-mêmes se regroupent dans ce qu'on appelle des centres d'usinage à commande numérique. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la CAO, hein, qui permet de remplacer le plan ou le dessin à la main, avec cette idée de file to factory, du fichier à l'usine. On n'a plus besoin d'avoir un être humain qui va dire « je vais d'abord baisser le levier pour percer jusqu'à telle épaisseur la pièce et machin, etc. » On produit directement en amont une suite de commandes numériques et la machine va directement les respecter. Donc là, l'enjeu, c'est bien l'universalisation de la commande de l'opération où les symboles informatiques deviennent un véhicule, c'est-à-dire un langage qui fonctionne en tant qu'il vise à être un standard. On n'a plus besoin d'avoir des machines qui sont physiquement dédiées à une seule tâche. Les centres d'usinage à commande numérique peuvent faire beaucoup de choses. Hein, mais c'est du côté des langages de programmation qu'on va être en mesure de produire la séquence spécifique pour la production de telle ou telle pièce. Alors, dans les faits, l'ouvrier ne disparaît pas du tout, hein, mais j'ai potassé quelques archives syndicales, puisque la CFDT, à l'époque, s'est intéressée un peu à ces questions-là. Ça avait d'ailleurs donné l'ouvrage que vous connaissez sans doute, hein, « Les dégâts du progrès ». Et dans les années 80, on voit un certain nombre de revues syndicales qui se mobilisent autour de cette question, hein, de « que devient le savoir-faire des ouvriers dans ces circonstances ?» Puisqu'il y en a beaucoup qui ont le sentiment soit de devenir bêtes, puisque la machine serait trop intelligente, ils ne savent pas comment programmer les commandes numériques. D'ailleurs, très souvent, on a des bureaux d'études. Hein, les premières bandes magnétiques, elles sont programmées en bureau d'études et l'ouvrier vient, il la met dans la machine et puis il vérifie que tout s'exécute correctement. Ou dans d'autres cas, des ouvriers qui se considèrent au contraire bien trop intelligents pour que leur savoir-faire puisse être directement intégré dans la machine, pour que leurs opérations soient en tant que telles parfaitement quantifiées. Alors cette période du développement du software, c'est-à-dire d'un univers où on va avoir un langage de programmation générique, on aura plusieurs langages, mais il vise à être interopérable, c'est-à-dire à ne pas dépendre d'une machine en question. Alors il y a aussi toute une bataille à l'époque entre IBM, Bull, etc., pour savoir qui en effet imposera son propre standard. Mais donc la fin des années 70 et le début des années 80, c'est le moment où on va voir se développer ces infrastructures. Et ici, IBM s'associe avec Microsoft, hein, pour ce que l'on va connaître très bien, hein, l'IBM PC à partir de 1981, architecture client lourd, c'est-à-dire que toutes les données des programmes sont sur les machines en question. Elles disposent d'une puissance de calcul suffisante pour savoir en effet les interpréter, et c'est le moment où on voit se développer le fameux PC, le personal computer, qui voit d'ailleurs le développement et vraiment le quasi-monopole du système d'exploitation Windows de Microsoft. Donc, quelques mots très brefs de conclusion de cette deuxième partie, j'accélère aussi. Le software me semble être le moment où on rend commensurable, c'est-à-dire calculable, des opérations, où on va pouvoir tenter d'automatiser les processus, c'est-à-dire substituer à une grande part de l'activité humaine le savoir-faire, ces suites d'opérations mécaniques. Un mot à retenir, donc, à mon sens, rendre commensurable des opérations en vue d'automatiser les savoir-faire. Troisième temps, la question du network, qui est par contre un terme beaucoup moins connu que hardware et software. Ici, l'entreprise emblématique me semble être Sun Microsystems, Stanford University Network, créée en 1982, donc on a une vraie continuité temporelle aussi, qui obtient une position de leader sur le marché dans les années 1990, qui va mobiliser TCP/IP sur une couche Unix, passons, avec cette idée qui me semble absolument centrale, où désormais, qu'est-ce que l'on fait? On a des calculs organisationnels, on a l'interopérabilité entre les stations qui se maintient, donc on retrouve les deux éléments des premières phases, hardware et software, mais surtout désormais, qu'est-ce que l'on peut faire? On peut connecter des machines entre elles. Et connecter des machines entre elles, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut avoir des réseaux. Et là, on rentre dans un univers qu'on connaît assez bien, puisqu'on va produire le réseau des réseaux, Internet, ce qui existe toujours aujourd'hui. Du point de vue technique, je le dis très vite, c'est sans doute extrêmement indigeste, je suis désolé, mais c'est l'époque des architectures trois tiers, qui est une mauvaise traduction, parce qu'en anglais c'est three tiers, ce qui veut dire trois couches. On a d'un côté les données, c'est-à-dire ce qu'il y a dans les bases de données, de l'autre les règles, c'est-à-dire les algorithmes qui vont tourner sur ces données, et une troisième couche de présentation, le navigateur web. Vous le savez sans doute, toutes les données de Google ne sont pas sur votre machine. C'est exactement ce principe aujourd'hui. On a des bases de données côté data center, on a les règles métiers qui sont opérées d'ailleurs dans des data centers aussi, mais qui sont plus largement maîtrisées par Google. Et on a la couche de présentation dans notre navigateur, on lance une requête, tout ça est traité dans un univers qu'on ne connaît pas directement, et puis on reçoit simplement la réponse. Donc c'est cette idée d'architecture trois tiers, où ici, nous, tout ce que l'on voit, c'est le tiers, en quelque sorte, la couche de présentation. C'est pour ça qu'on appelle ça client léger, parce qu'on n'a pas toutes les données sur notre machine, il y en a une grande partie qui est côté serveur. Donc ici, on est toujours en mesure d'optimiser des états organisationnels, d'opérer des machines physiques dans une suite d'opérations qui peuvent remplacer des savoir-faire humains, mais dimension nouvelle et absolument fondamentale, désormais on peut faire ça en temps réel, parce qu'on peut connecter des lieux qui auparavant étaient incommensurables, je ne sais pas, le technocentre Renault de Guyancourt et les sous-traitants à Bombay, et ben, le temps de transmission quand vous êtes avec des tubes à air comprimé ou même du télégraphe, ou du téléphone, bah c'est long, le téléphone, on doit décrocher, on doit dire allô, ah oui, t'as lancé l'opération, machin, bon bah on lance ça, etc. Désormais, on peut interconnecter en temps réel, vu que le temps de traitement est quasi négligeable pour un grand nombre d'opérations, vu la vitesse de déplacement des électrons dans ces mécaniques. Eh bien, désormais, on a donc la possibilité d'interconnecter des places, et donc on voit d'ailleurs aussi apparaître l'informatique, par exemple, à la bourse. Développement des réseaux et donc du network à la bourse de New York, de Londres, où on a toujours cette même infrastructure, un back-office qui gère les données et les calculs, les deux premiers tiers des couches, et un front-office qui lui est en lien avec les places boursières et qui fait remonter tout ça jusqu'en direction précisément des banques. Donc les salles des marchés, dans toutes les banques apparaissent, ce sont des salles réseau, on a des gens derrière des écrans verts qui ressemblent beaucoup au Minitel de l'époque. Et d'ailleurs, c'est plus ou moins ironiquement que Mark Levinson défend le fait que la mondialisation, c'est quoi? Du côté très matériel initialement, ce sont les containers, et ce sont donc les containers plus Internet. Il faut ces deux éléments pour avoir une mondialisation économique. Alors du côté du travail, ça va évidemment aussi transformer assez largement les choses, puisque c'est le moment où on va voir apparaître ce qu'on appelle les PGI, ERP, BSCS, alors il y a plein d'acronymes affreux, très poétiques. PGI en français, c'est Progiciel de Gestion Intégrée, ERP, Enterprise Resource Planning, BCS, Business Computer System, et aujourd'hui d'ailleurs, on a une tendance à une généralisation de ces systèmes, d'ailleurs y compris par exemple à l'université, où plutôt que d'avoir plein de tâches que les individus savent et que vous allez demander à telle personne dans tel service qui dit « Ah oui, alors pour les admissions, il y a d'abord machin qui doit valider truc, puis machine qui doit faire ça. » Là, le plus simple, selon évidemment ces visions tout à fait technocratiques, c'est l'idée de dire le logiciel va gérer toutes les étapes et quand quelqu'un devra intervenir dans le processus, eh bien la machine va lui signifier en disant, si je reprends l'exemple de ce qui se passe à Renault, du côté du technocentre de Guyancourt, eh bien, on a produit telle suite d'opérations qui dit que la base de données a été sauvegardée, et donc, par exemple, les sous-traitants à Bombay peuvent d'un seul coup avoir une alerte qui leur dit il faut lancer la phase de calcul, puisque en ce moment, on a nos ingénieurs au technocentre de Renault en France qui ne travaillent pas parce que c'est la nuit, donc faites la phase de calcul, et puis le lendemain, les ingénieurs pourront reprendre. Donc voilà, on peut désormais interopérer des opérations à distance dans des lieux qui n'étaient pas auparavant commensurables. Le plus connu de ces ERP ou PGI, c'est SAP, fondé par 5 employés allemands d'IBM, développé dans les années 80, qui dès 92 quitte l'architecture de l'ordinateur central. SAP va être coté en bourse à Francfort en 88, à New York en 98, et va aujourd'hui irriguer massivement, il est de très loin, le leader mondial de cette activité. Donc, conclusion de cette partie 3, ce qui me laissera, si vous m'autorisez, un débordement de 2 minutes pour parler de la quatrième partie. Le netware me semble être une mise en corrélation de lieux, c'est-à-dire que l'on peut désormais rendre commensurables des temporalités. Le temps à Guyancourt et à Bombay, ça n'est pas le même, et pourtant, on peut rendre commensurables ces deux lignées temporelles. Et donc, qu'est-ce que l'on peut faire avec ça? On peut automatiser désormais une grande part de l'activité humaine relative aux communications. Donc ici, on rend commensurable des temporalités, c'est d'ailleurs l'invention du temps réel, on s'intéresse beaucoup à ça, en vue d'automatiser les communications. Alors quatrième temps, le big data, qui est, me semble-t-il, ce qui est issu du cercle vicieux produit par l'interconnexion que réalise le netware. Puisqu'on a ces éléments, on a des machines qui sont en mesure de stocker des informations, qui dialoguent entre elles en temps réel, et modulo un accroissement du stockage, eh bien on s'aperçoit qu'on peut récolter un très grand nombre de données à coût minime. Pour une raison très simple, la vitesse de traitement des opérations d'un ordinateur, vous prenez une horloge à 4 GHz, ça veut dire quoi? 4 milliards d'opérations à la seconde. Il n'y a pas un être humain qui peut se représenter ce que sont 4 milliards d'opérations à la seconde. C'est impossible, même le plus génial des informaticiens, 4 milliards à la seconde, ça n'a aucun sens pour un être humain. Et donc, que font les informaticiens pour programmer? Ils ont recours à ce qu'on appelle des logs, c'est-à-dire des choses qui vont garder des traces de ce que des opérations signifiantes que les machines ont réalisées. Et donc l'informaticien pour programmer, il regarde, il lance son algorithme, et si le machin bug ou quoi que ce soit, il va voir du côté des logs pour vérifier, ah bah là, ah merde, il a donné ce résultat à telle opération, c'est normal, j'ai dû mal programmer cette chose, ou etc. Mais qui dit existence de ces logs en lien avec l'interconnexion des machines fait qu'on peut récolter à un coût quasi nul, c'est pas vrai que c'est nul, on pourra revenir là-dessus dans les discussions, mais en tout cas à un coût relativement marginal par rapport aux infrastructures qui sont en train d'être mises en place, un nombre de données absolument colossal. Et c'est là où on voit émerger en quelque sorte, par une forme d'effet d'entraînement, plus on informatise et on interconnecte les machines, plus on récolte des données, et plus on récolte des données, plus on s'aperçoit qu'on aboutit à une situation où désormais on a un niveau tel, ça me semble être un point fort et assez générique de l'histoire de l'industrialisation, on a tendance à opposer qualité et quantité. Et là, il me semble que l'histoire de l'industrialisation montre qu'en réalité, les deux, c'est quasiment toujours la même chose. Qu'au-delà d'un certain seuil quantitatif, on produit un saut qualitatif. Là, c'est exactement ce qui se passe avec cette accumulation de données. Et au bout d'un moment, on en a tellement qu'on s'aperçoit qu'on peut produire des opérations qu'on n'était pas en mesure d'imaginer auparavant. Alors, pour le dire en une minute le plus simplement possible... Je peux dépasser un tout petit peu, merci. C'est pas on n'est pas dans la commence. Tout de suite. Merci. Donc, pour le dire le plus simplement possible, de quoi s'agit-il? On est désormais avec une masse de données où on peut produire des éléments en interconnexion qui vont donner des solutions à des problèmes qu'on ne sait pas résoudre autrement. Exemple typique qui a été réalisé par David Chavalarias et Jean-Philippe Cointet, deux chercheurs, je crois que c'est CNRS Polytechnique, qui ont travaillé sur une histoire de la biologie. Ils ont donné 80 000 articles scientifiques de biologie qui ont été écrits au cours du XXe siècle à manger à leurs algorithmes. Alors ils n'ont pas la puissance de calcul de Google, donc c'est 15 jours de traitement, mais au bout de ces 15 jours de traitement, ils font ressortir des clusters, des grappes de termes en disant on peut voir des corrélations sémantiques, syntaxiques plutôt initialement et puis après sémantiques, entre différents articles, et donc ils reconstituent informatiquement une histoire de la biologie au XXe siècle. Leur point est le suivant, ils disent, nous, on est informaticiens, on ne connaît rien à la biologie, on n'a jamais lu un article de biologie. Par contre, on produit une histoire de la biologie à partir de ces machines. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que désormais, on est en mesure de produire des connaissances qu'on ne peut pas expliquer, mais que par contre, qui par contre peuvent avoir un effet réel. Exemple banal du big data, les assureurs se sont aperçus par exemple que les voitures orange avaient une durée de vie bien supérieure aux autres voitures. Alors ça ne veut pas dire que si vous repeignez votre voiture orange, elle va durer plus longtemps, hein, mais ça veut dire que pour un très grand nombre de facteurs qu'on n'est pas en mesure d'identifier, est-ce que c'est des voitures, on voit mieux l'orange, est-ce que les gens qui ont des voitures orange sont des gens plus originaux, qui servent moins de leur voiture, enfin des facteurs, on ne sait pas dire pourquoi, mais néanmoins on peut percevoir des éléments qui, et là pour le coup vous comprenez bien qu'au niveau économique c'est très important pour les assureurs de pouvoir voir très spécifiquement, selon le profil des individus, qui va devoir payer tant, qui va avoir tel risque d'accident, etc. etc. Donc, ce qui me semble se jouer ici, c'est le fait que, historiquement, produire de la connaissance, qu'est-ce que c'est ? C'est produire des rapports entre des signifiants, c'est-à-dire entre des termes, on va dire, eh bien, quand il y a, je ne sais pas, la présence de tel microbe de telle façon dans tel environnement, des choses qui nous apparaissent signifiantes, eh bien, il y a beaucoup de chances que telle maladie soit produite. Désormais, on peut produire des corrélations entre signifiants sans en passer par la compréhension de ces corrélations. Donc pour le dire autrement, il me semble qu'ici, on est en mesure d'automatiser la production non plus seulement des savoir-faire, des opérations, mais du savoir en tant que tel. Ce que revendique Google, alors il y a eu beaucoup de débats et qui ne fonctionnent pas toujours très bien, donc il y a une partie de vent là-dessus, je pense qu'on pourra revenir dans la discussion sur la question de prophéties qui sont parfois un peu du flanc, mais ce que dit Google, il dit « Nous, on prédit mieux l'apparition d'une épidémie de grippe grâce à notre moteur de recherche que toutes les autorités sanitaires sur la planète ». Par exemple, il faut à la Croix-Rouge ou à je ne sais qui beaucoup de temps pour agréger des données, pour savoir, alors il y a eu tel cas à tel endroit, et puis dans tel autre, et tel village semble atteint, donc on prédit que, en effet, il va y avoir une épidémie à tel endroit. Google dit, nous, on réagit 2 semaines plus rapidement que les autorités sanitaires, juste à partir des recherches dans le moteur, hein, qui disent que bah, dans toute telle, je sais pas, telle région des États-Unis, il y a plein de gens qui tapent d'un seul coup, j'en sais rien, moi, Efferalgan, Advil, ce que vous voulez, n'importe quel produit que les gens prennent quand il y a, je doute que ce soit exactement les mêmes termes aux États-Unis de ces produits marketés. Mais passons. Mais donc voilà, vous comprenez le principe ici, Google dit on n'a pas besoin de connaissances épidémiologiques, de connaissances médicales, et pourtant on peut produire un savoir plus efficace que les autorités médicales en question. Donc ça signifie quoi ? C'est la vague dans laquelle on est aujourd'hui, hein. Génération automatique par exemple d'articles de sport, de façon relativement uniformisée, d'articles économiques, hein, puisque les nouvelles de la bourse c'est assez facile à faire, l'histoire des sciences, ce que je vous disais avec David Chavalarias et Jean-Philippe Cointet, mais dans un certain nombre de cas aussi, hein, c'est ce que font les Américains, la fameuse blacklist qui est signée par le président normalement tous les mardis, je crois, les mardis noirs du Pentagone, où on va autoriser des frappes aériennes de drones sur des cibles dont on ne connaît pas les noms, ni l'identité. Simplement parce qu'à partir des données agrégées, imaginez qu'on multiplie une carte Facebook, une carte d'utilisation du téléphone portable, etc., des comportements de comment la personne se déplace en voiture, et on peut tracer ça avec le téléphone, eh bien on agrège tout ça et on s'aperçoit qu'on a des comportements déviants par rapport à une norme qui donne un pourcentage statistique très fort d'activité terroriste. Et donc qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien voilà, on va lancer des frappes de drones sur des gens dont on ne sait pas de qui il s'agit. Et c'est pas du tout une blague, hein. Il y a eu beaucoup de... D'ailleurs, ça fait dans les médias, il y a un village qui a été frappé parce qu'une attaque d'un missile Hellfire, c'est à peu près 20 mètres de rayon de mort. Enfin, 15 mètres direct, jusqu'à 20 mètres, il y a des morts et au-delà, c'est des blessés très graves. Mais donc, un village a été frappé parce qu'il y avait une réunion de village dans une zone où, en effet, les gens, culturellement, localement, sont très barbus, etc. Hein. Et donc, voilà, une réunion de village, ça apparaissait comme une réunion terroriste selon les algorithmes produits. Voilà. Donc, il ne veut pas du tout dire que c'est infaillible, mais par contre, très clairement, ça a des effets réels sur le monde. McKinsey, l'institut McKinsey, qui aujourd'hui d'ailleurs s'est fait racheter, développe dans son rapport sur les disruptive technologies, hein, la théorie suivante, je cite, « L'impact économique potentiel de l'automatisation de la production de savoir serait entre 5 200 milliards de dollars et 6 700 milliards de dollars à l'horizon 2025. Les principaux gains seraient obtenus dans les économies avancées, où les salaires sont estimés à 60 000 dollars par an, hein, pour un chercheur dans les pays dits avancés, contre dans les pays dits émergents 25 000 dollars par an, donc c'est une simple multiplication, et qui aboutit à ce résultat incroyable, hein, de entre 5 et 7 000 milliards de dollars économisés pour ces postes que l'on pourrait remplacer par des machines. Un économiste et un informaticien d'Oxford, Carl Benedict Frail et Michael Osborne. Alors, j'ai lu un peu le détail de leur article, donc c'est tout à fait sujet à caution aussi leur méthodo. Mais ce qui avait fait un peu de bruit dans la presse, hein, c'est qu'ils estiment, à partir de leurs calculs qui sont tout à fait discutables à mon avis, mais qu'à l'horizon 2030, on aura 47% des emplois qui seront pourvus par des machines en raison de cette automatisation potentielle. Donc ici, le dataware, de quoi s'agit-il à mon avis ? C'est le moment où on rend commensurable, c'est-à-dire calculable, des signifiants. On peut rendre donc des mots commensurables, du langage. L'idée de capitalisme linguistique émerge. Google a une bourse aux mots, où on a les mots qui sont vendus aux enchères pour les annonceurs publicitaires. Donc crème solaire, c'est un mot qui vaut cher en été. Ski, c'est un mot qui vaut cher en hiver, on comprend pourquoi. Et donc désormais, on peut rendre calculable ce qui, historiquement, a été la production du savoir par les individus. Donc, en guise de conclusion générale, j'ai déjà dépassé 10 minutes, je vous prie de m'en excuser, la généalogie de l'informatique au travers du concept de commensurabilité me semble montrer qu'on a à la fois des formes de continuité et de rupture dans l'évolution de l'informatique. Le hardware vise à rendre commensurables les informations pour automatiser les organisations, le software à rendre commensurables les opérations pour automatiser les savoir-faire, le netware rendre commensurables les temporalités pour automatiser les communications, et le dataware opère sur les signifiants pour automatiser les savoirs. Alors, déjà, premier point, il me semble que ça n'est pas exclusif l'un de l'autre, hein, ce sont des phases qui s'accumulent et qui ne s'excluent pas mutuellement. On retrouve, il me semble, ce que j'ai tenté de dire en introduction et qui apparaît dès les débuts de l'industrialisation, le fait que mettre en équivalence numérique, c'est se donner la possibilité de marchandiser ces choses-là, même ce qui nous apparaît invraisemblable, marchandiser des mots, c'est très bizarre, bah, pourtant Google, je crois, c'est 49 milliards de dollars en trésorerie, donc c'est quelque chose qui fonctionne visiblement assez bien. Et enfin, dernier point, et j'arrêterai là-dessus, il me semble qu'il n'est pas question en tant que tel de savoir, souvent c'est un débat, est-ce que vraiment on va pouvoir automatiser la totalité de la production du savoir humain ? C'est le magazine Wired qui avait titré en 2008 « The End of Science », avec cette idée qu'il n'y aura plus besoin de production de savoir. Et je crois que c'est un peu un faux débat, parce que il me semble que la question c'est pas « est-ce qu'on réussira à faire exactement aussi bien que ce que l'on faisait auparavant avec les nouveaux moyens ?» Je crois que l'histoire de l'industrialisation, c'est au contraire un univers où, en effet, on ne fait jamais aussi bien. Mais on le fait quand même, parce que ça produit des bénéfices économiques et que s'il y a un peu de casse sociale dans l'histoire, ce n'est pas forcément dramatique. Débat que j'ai vu assez récurrent hein, dans l'histoire des discussions autour, vous avez sans doute vu passer ces choses-là, hein, sur les MOOC, aujourd'hui on parle des SPOC et on ne sait plus quoi inventer de façon en termes d'acronymes pour dire qu'il faut numériser l'enseignement à l'université et ailleurs. Eh bien, le débat qui parfois en revient à dire « mais on ne pourra jamais totalement automatiser parce qu'on ne peut pas vraiment transmettre ce qu'un professeur transmet aux personnes qui étudient à l'université », c'est très probable et c'est sans doute très vrai. On ne pourra pas faire ce que l'on fait jusqu'alors. Mais ça n'est pas pour autant qu'on ne le fera pas. De la même façon qu'aujourd'hui, on sait bien que si on veut en effet avoir l'une des plus magnifiques bibliothèques sur la place de Paris, eh bien, rien de mieux que de commander ça à plein d'artisans qui vont passer des heures et des heures à travailler et ça coûtera extrêmement cher. Si on construit sa bibliothèque avec des meubles Ikea, ce sera probablement beaucoup moins bien, beaucoup moins résistant et beaucoup moins sous tout rapport, beaucoup moins efficace. Et pourtant, néanmoins, ça coûte moins cher. Et donc, on le fait. Et même si, jusqu'à un certain point, ça pose beaucoup d'autres problèmes, il me semble que c'est la direction qui est prise aujourd'hui. Donc, face à une question qui consistera à dire « on ne pourra pas vraiment produire la totalité des connaissances qu'on est en mesure de produire aujourd'hui », c'est sans doute très vrai, mais il ne me semble pas que ce soit l'argument massue qui fera que cette évolution massive ne s'opérera pas. Voilà, je vous remercie et désolé d'avoir dépassé 10 minutes.